son ballon. Boubidi boubidi boubidi babé ton bap. Il finira sa vie pourtant dans le plus pur dévouement, abandonné de ses amis, son joli rose tout sali. Il sera jeté à l'eau et finira en petits morceaux. C'est l'histoire du petit papier hygiénique.